Il est temps pour les fabricants concernés par le scandale du diesel de se racheter. Avez-vous été touché? La Fondation Diesel et Mission Justice, organisation néerlandaise indépendante à but non lucratif, lance une action collective pour obtenir l'indemnisation financière des actuels et anciens possesseurs de voitures diesel concernées. Un des constructeurs a déjà admis l'usage de logiciels non autorisés visant à dissimuler les niveaux réels d'émissions polluantes. Des dédommagements ont été versés sur plusieurs continents. Il est temps d'obtenir réparation. Rejoignez l'action sur www.émissionsaupluriel.justice.fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, La vieillesse, ce joyeux naufrage, une série documentaire de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a une tendresse pour le grand âge et ses corps émouvants mais parfois effrayants qui nous tendent un miroir. Il y a la vie qui continue, des souvenirs qui prennent toute la place, des horizons rétrécis, la peur, mais aussi la liberté, un détachement et un fatalisme teinté d'humour. Mais le premier pas, c'est la retraite. Alors pour commencer, les personnages. Un infatigable dandy, un retraité libéré, un octogénaire prévoyant, un ado fasciné, un psy, un boucher quasi retraité et un fils écrivain. Ensuite, le décor. Un pot de départ, du champagne, le travail, Bourville, Gabin, Beauvoir, une nouvelle vie, le Portugal comme un Eldorado et des parties de bridge. Aujourd'hui, premier épisode, dernier jour de boulot. La retraite n'est pas une défaite. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. In the palm of my two hands, hold each other, that feels different. Ce matin où j'ai vu l'avenir, il nous fait un sourire. M'a chargé de te dire qu'il fallait revenir, qu'on devrait revenir. Jean Cocteau, je crois que ce n'est un secret pour personne. Vous venez de fêter vos 70 ans. Je vais les fêter. Vous allez les fêter. Sur bord. Est-ce que vous ne sentez pas parfois le besoin d'un repos, le besoin d'une halte? 22 août 1959. Bien non, en cela je ressemble beaucoup à Picasso. Je crois que si Picasso s'arrêtait, si je m'arrêtais, ce serait la mort. Je crois, et je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Si j'y pensais, ça serait terrible. Enfin, parce que l'âge a complètement changé. À l'époque de Balzac, à de Stendhal, on me pousserait dans une petite voiture. Et je crois que les hommes et les femmes jouaient des rôles, de vieux et de vieilles, à cette époque. Je crois qu'à 30 ans, une femme se mettait un fichu, elle partait à la campagne, elle était vieille. Et à 50 ans, un homme se mettait un châle sur les épaules et prenait une canne et marchait courbé. Il jouait les vieux. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau. Pierre, vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1944. Et vous avez arrêté de travailler quand? J'ai arrêté de travailler en 2008, donc à 64 ans. C'était un plaisir d'arrêter? Oui. Oui, je commençais à saturer sur le plan professionnel, ça tournait un petit peu en rond, et j'avais le sentiment d'une utilité sociale relativement faible. Je travaillais au ministère de l'économie. Il n'y a rien que vous appréhendiez dans la retraite? Non, franchement non. La retraite a été précisément l'entrée dans la... Je dirais dans la liberté. C'est la dernière ligne droite de la vie, mais c'est le moment libre où les enfants sont pratiquement élevés, si l'on peut dire. J'ai trouvé que la retraite était un moment bienvenu. Est-ce que vous avez vu moins de gens avec la retraite? Comment ça a commencé? Est-ce que vous vous souvenez des premiers mois, oui. Des premières semaines? Les premiers mois, j'ai failli être un fonctionnaire parfait, c'est-à-dire ne rien coûter à l'État, parce que j'ai eu l'idée saugrenue de faire un AVC quelques semaines après ma prise de retraite. Mais autrement, non. Ma vie sociale, au contraire, s'est élargie. C'est-à-dire que j'ai agrandi le cercle de mes amis ou de mes connaissances, disons. Et comment vous avez noué de nouvelles amitiés ? Oh, c'est très facile. On rencontre beaucoup de gens, soit par des amis communs, soit tout simplement en allant au jardin public, où vous avez toujours des voisins, des voisines qui vous adressent la parole, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et ce d'autant plus lorsqu'on devient un vieux monsieur. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière. André Fitoussi, vous êtes né en quelle année et où ? Alors, je suis né en 1927, très exactement le 30 août. Donc, au mois d'août, j'aurai 90 ans. Je suis né à Sousse, en Tunisie. Et vous êtes resté en Tunisie jusqu'à quel âge ? Alors, je suis resté en Tunisie jusqu'à, si je me souviens bien, jusqu'à 32 ans. J'ai quitté la Tunisie en 1960. Compte tenu du fait que, à l'époque, j'étais avocat et que les juridictions françaises avaient levé le pied et avaient été remplacées par juridictions tunisiennes. Et donc, je ne pouvais plus pratiquement exercer mon métier. Et vous, lorsque vous avez quitté la Tunisie, vous êtes parti avec vos parents ? Alors, quand j'ai quitté la Tunisie, je ne suis pas parti directement avec mes parents, je suis parti avec ma petite famille. Donc ma petite famille se composait de mes deux filles, mon épouse. Et en fin de compte, je les avais précédées, mais elles sont venues me rejoindre. Mes parents sont venus me rejoindre, je pense, un ou deux ans après. Est-ce que vous appréhendiez votre vieillesse en regardant non, la leur pas, non, pas vraiment. Pas vraiment. Même actuellement, je n'appréhende pas ma vieillesse. Pas du tout, non. En voyant mon père, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Si, j'appréhendais une seule chose, c'est que mes parents n'avaient pas prévu leur vieillesse, d'un point de vue, je dirais, strictement matériel. Et donc, ils n'ont pas fait attention à leur vie matérielle. Et donc, on est venu, mon frère, ma sœur et moi. On les a énormément aidés à ce moment-là. Mais ça m'a marqué. Et je me suis promis de ne jamais être, si vous voulez, à réclamer une aide de mes enfants et de me débrouiller par mes propres moyens. Et voilà. Vous avez pensé à ça toute votre vie pour faire non, le nécessaire. Non, je n'ai pas pensé à toute ma vie, enfin, mais j'ai dit que je ne ferai pas comme eux. Je ne ferai pas comme eux. Et en fait, peut-être inconsciemment, j'y ai pensé peut-être toute ma vie, peut-être inconsciemment. Au moment où il fallait y penser, je l'ai fait. Donc, voilà. Simone de Beauvoir, à propos du film « Promenade au pays de la vieillesse » de Marianne Arne, 9 juin 1978. J'ai l'impression que les femmes, d'après le film, et puis d'après mon expérience aussi, gardent plus le goût de la vie que les hommes. Finalement, les hommes qui parlent, ils sont plutôt désespérés dans votre film. Et ceux que j'avais vus à La Rochefoucauld étaient entièrement désespérés. Ils restaient assis des journées entières sur une chaise au bord de leur lit, puis ils se remettaient dans le lit, puis ils ressortaient du lit pour se mettre sur une chaise. Et si on leur proposait quelque chose, comme une excursion ou quelque chose comme ça, en général, les femmes, à la rigueur, ça leur disait encore quelque chose d'y aller, mais les hommes, absolument pas. Ça, précisément, il y a un dépérissement du goût de la vie chez les vieillards que j'ai constaté dans mes enquêtes et que je trouve tout de même très marquant dans votre film, à part quelques surtout ça. Les femmes, celles qui disent quand même c'est bien de pouvoir taper un petit coup de rouge, etc. Mais dans l'ensemble, ils sont très inertes tout de même. Il y a des vieillards privilégiés qui marquent beaucoup moins leur âge que des gens de 40 ans qui ont déjà l'air de vieillards. Car à Nanterre, on voit des gens qui arrivent, ils ont 40-45 ans, ils ont l'air vraiment de vieillards complètement ravagés. Quand vous avez pris votre retraite, vous aviez quel âge ? Quand j'ai pris, alors c'est encore quelque chose d'amusant, j'ai pris ma retraite, je dirais, matériellement, fiscalement, juridiquement à 60 ans. Donc il y a fort longtemps. Il y a 30 ans. Et donc c'était l'époque encore de la retraite à 60 ans. les générations actuelles n'ont pas cette chance. Donc à 60 ans, j'ai pris ma retraite. Mais il faut vous dire que, en fait, j'ai travaillé comme cadre supérieur à Paris. J'avais fait diverses sociétés. Et la dernière, j'ai été licencié. Et j'ai été licencié et je me suis promis de ne jamais plus travailler pour une société quelle qu'elle soit et de voler par mes propres ailes. J'avais suffisamment, je pensais, de compétences pour le faire. Et donc, le hasard venant, je me suis retrouvé à m'exiler, en quelque sorte, puisque mes enfants étaient déjà là à Toulouse, pour acheter une librairie. Et donc, j'ai pris une librairie sur Toulouse. Et non seulement j'ai pris une librairie, mais également une papeterie, et je suis reparti sur mes propres ailes. Et puis, en 1960, attendez, que je me rappelle bien quand est-ce que je suis né, 27 et 60. En 1987, j'avais 60 ans, j'ai pris ma retraite. Mais nous avions toujours la librairie. Pratiquement, j'ai continué à travailler jusqu'à 70 ans. J'aurais pu travailler encore plus, mais j'en avais un peu assez. J'avais d'autres préoccupations, d'autres motifs d'intérêt. J'avais le bridge, j'avais la musique, j'avais Internet, j'avais la lecture aussi, beaucoup la lecture. Voilà. Et donc, à 70 ans, j'ai dit, pousse, je vais faire autre chose. Et quand vous pensiez à la retraite, lorsque vous étiez salarié, oui, vous pensiez que c'était une libération ? Non, pas du tout. Et encore une fois, vous m'avez parlé de vieillesse, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé que la vieillesse, la retraite pouvait être une libération. C'est venu comme ça. On termine. Bon, on termine, c'était quelque chose, on tourne la page. Maintenant, je vais faire du bridge, maintenant, je vais faire de la lecture, maintenant, je vais écouter de la musique, j'ai pas suffisamment écouté de musique, je vais faire de l'internet, voilà. Non, mais pas, j'aurais pu continuer à travailler, mais il y avait quelque chose d'autre à faire. Gilbert Hennasser, en quelle année êtes-vous né et où êtes-vous né? Alors, 1938. Je suis né dans le 14e. Donc vous avez 79 ans. Calculez bien. Bon, effectivement, quand on arrête de travailler, bon, il y a un changement de vie. Mais moi, je trouve ça très agréable, hein, de toute façon. La retraite, moi, je m'organise de telle façon que je m'ennuie jamais. Déjà, par principe, je m'ennuie jamais. Je trouve toujours quelque chose à faire. Je vais 3 fois par semaine dans un club de gym, Place Maubert, qui est situé à rue Jean de Beauvais, un club très sympathique, où il y a des gens bien. Agréable, c'est vrai, il faut le dire. Et puis sans ça, bon, je vais au cinéma, sans ça, je bouquine, je me promène. Enfin, moi, je ne vois pas le temps passer. Je veux dire que même à la retraite, on a moins de temps que quand on travaille. Parce que quand on travaille, on était sur des rails, on était dans un bureau, on était organisé, on sait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que quand vous êtes à la retraite, le matin, vous vous levez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis vous faites votre programme, et puis c'est très sympathique. Oui. Et donc, maintenant, les beaux jours vont arriver, alors c'est sympa. Moi, me promener, aller au Luxembourg. Moi, j'adore quand il fait beau, l'après-midi au Luxembourg, prendre un bouquin. Il y a des endroits très, très calmes, et puis je passe mon après-midi là. Vous avez pris votre retraite à quel âge? À 60 ans. À 60 ans, à l'époque, c'était 60 ans, parce que comme ça fait pratiquement... donc, j'ai 19 ans que je suis à la retraite, 19 ans, oui. Bon, j'ai pris la retraite pour différentes raisons, parce que j'aurais pu travailler plus longtemps. Mais comme je m'étais remarié, bon, chose qui arrive, parce que j'ai un fils là, un fils qui est là. Donc ça se passe pas mal. Enfin, lui, il a son coin là. Moi, j'ai mon coin ici, alors, donc on s'entend bien, ça. C'est pas, enfin, ça, on s'entend bien. Vous savez, les jeunes maintenant, le dialogue n'est pas tellement facile avec les jeunes. Ce qui les intéresse, c'est jouer avec les ordinateurs ou leur téléphone portable, leur smartphone, je ne sais pas quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais enfin bon, on se supporte. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'allais dans le tourisme. Visez donc un peu ce maintien, en marchant ce que je la fous bien. J'ai dit la prestance, l'aisance, chic parisien. Dans la rue, parfois, si un chauffeur peu courtois veut se payer ma tête et me traite de sale bourgeois, dédaignard et dédaigneux, je lui dis merde d'un ton précieux, y'a pas où on en jette, c'est chouette d'être un monsieur. Serge Guérin, vous êtes sociologue et spécialiste du vieillissement de la population française. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» dans lequel vous revenez sur quelques idées reçues et notamment sur le fait que les relations entre générations n'existent plus parce que nous sommes une société individualiste. Eh bien non, elles existent encore, mais selon de nouvelles modalités. Alors, quelles sont ces nouvelles modalités ? Oui, ce qu'on avait voulu dire, exprimer, c'était que le discours ambiant extrêmement négatif, extrêmement décliniste, qui en fait cherche des oppositions frontales entre les gens, entre autres, s'appuie sur une fracture générationnelle. Pour résumer, on passerait de la lutte des classes à la lutte des âges. Or, parler de cette lutte des âges, c'est nier les antagonismes économiques, les antagonismes sociaux, les antagonismes géographiques. Et en fin de compte, tout ça sont des réalités bien plus fortes que cet antagonisme de génération qui, en fin de compte, quand on regarde bien, n'existe pas. Il n'existe pas parce que la première des raisons, c'est que s'il y a quelque chose qui est naturel, c'est bien la confrontation, je dirais, bienveillante et globalement pacifique des générations. Elle se passe déjà dans la famille. Et puis les gens aussi s'appuient en disant « mais il y a une fracture technologique ». Il y a la fracture du numérique qui crée une distinction, une différence très forte entre générations. Or, nous, ce qu'on montre et ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, les technologies numériques ont plutôt permis de rapprocher les générations. L'exemple le plus caricatural, je dirais, c'est le jeune qui va envoyer un mail, en sortant de boîte de nuit à 3h du matin, ou parce qu'il est dans un autre pays, parce qu'il bénéficie d'Erasmus, ou que sais-je encore, il va l'envoyer à 3h du matin à sa grand-mère, qui, elle, y répondra quand elle aura envie, peut-être à 11h du matin le lendemain. Mais donc chacun reste dans sa temporalité et répond et dialogue. Le jeune aurait jamais passé un coup de fil à 3h du matin, et il faut être clair, il ne va pas écrire une lettre à 3h du matin. Donc du coup, il n'y aurait pas eu ces moyens-là, d'une certaine manière, il n'aurait rien fait. Et voilà. Donc en fin de compte, ça favorise plutôt le lien intergénérationnel qu'autre chose, c'est la mobilisation de ces technologies. Et maintenant, je comprenais ce qu'était la vieillesse. La vieillesse qui, de toutes les réalités, est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite. Regardant les calendriers, datant nos lettres, voyant se marier nos amis, les enfants de nos amis, sans comprendre, soit par peur, soit par paresse, ce que cela signifie, jusqu'au jour où nous apercevons une silhouette inconnue, comme celle de Monsieur d'Argencourt, laquelle nous apprend que nous vivons dans un nouveau monde. Jusqu'au jour où le petit-fils d'une de nos amies, jeune homme qu'instinctivement nous traiterions en camarade, sourit comme si nous nous moquions de lui. Nous qui lui sommes apparus comme un grand-père. Je comprenais ce que signifiait la mort, l'amour, les joies de l'esprit, l'utilité de la douleur, la vocation, etc. Car si les noms avaient perdu pour moi de leur individualité, les mots me découvraient tout leur sens. La beauté des images est logée à l'arrière des choses, celle des idées à l'avant. De sorte que la première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu'on ne comprend la seconde que quand on les a dépassées. Marcel Proust, Le temps retrouvé. Raphaël, tu as quel âge ? J'ai 12 ans. Quand tu vois quelqu'un d'âgé dans la rue, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de devenir comme ça. Il y a deux sortes pour moi de vieux. Il y a les grands-parents qui sont là pour toi, qui s'occupent de toi. Enfin, c'est le genre de vieux qui sont gentils avec toi, qui te parlent, qui te dédaignent pas, alors que les autres qui sont peut-être méchants parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont plus beaucoup de personnes à côté d'eux, et qui sont pas très un peu méchants. Et est-ce que tu penses que tu pourras aider tes parents quand ils seront vieux ? Alors, ni la maison de retraite, et parce que je trouve ça horrible de laisser ses parents loin de soi, parce qu'ils sont pas éternels. et habiter chez moi non plus. Et surtout parce qu'à mon avis, ils peuvent conserver leur autonomie tout seuls. Ah ben, arrivez-vous. Dans l'hypothèse où j'ai une compagne et des enfants, une grande maison, oui, une grande maison, oui. Enfin, oui. Par contre, si j'habite à Paris, dans un appartement comme ça, avec deux parents plus, avec ma belle-mère, ça fait trois personnes, quand même. Trois personnes en plus, non. Ah donc, ils vont vivre où ? En maison de repos, peut-être. J'aime le son du cor le soir au fond des bois. Soit qu'il chante les pleurs de la bichotte à bois. Ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille. Et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Oui, oui, oui, oui. J'aime cette terre-là, ce poète qui fait ma joie. J'aime le son du cor le soir au fond des bois. Que deux fois seul dans l'ombre à midi. Est-ce que tu peux parler de ma note? Manotte, c'est l'arrière-grand-mère de ma belle-mère, qui a 96 ans. Oui, c'est un ancien. Et en fait, elle habite tout près, à 50 mètres de la maison du père de ma belle-mère. À une maison, sa maison de repos est vraiment à 50 mètres de la maison. Elle est tout le temps là. Elle est très gentille. Elle me considère de sa propre famille, même si elle est vieille et que ça, le divorce et des enfants qui viennent... De parents divorcés, ça doit pas être très facile pour elle vu qu'elle est de la vieille école. Mais elle m'accepte comme son propre arrière-petit-fils. Oui, je suis de la famille pour elle, elle est très gentille, elle est hyper active, elle est hyper informée. Ah oui, elle est au conseil d'administration de la maison de repos, elle a démissionné parce que on l'avait pas tenue informée du fournisseur de légumes, de la soupe. Et donc du coup, elle a regardé qu'il utilisait des pesticides et qu'elle n'en voulait pas. Elle a démissionné du conseil d'administration parce qu'on lui avait menti. Et elle a emporté trois personnes avec elle dans sa démission. Est-ce que vous aviez des conflits avec vos aînés qui tenaient à la différence de génération ? Est-ce que vous en avez avec vos enfants et petits-enfants ? Est-ce qu'il y a des comportements ou des mœurs qui vous paraissent très étranges ? Ah ben, notamment avec mon fils. Alors là, je peux vous dire, avec les grands, j'ai oublié parce que j'étais quand même... Quand mes grands étaient petits, moi j'étais plus jeune. J'avais une trentaine d'années ou tout ça. Donc j'étais beaucoup plus. Alors j'étais plus sévère avec eux. Avec lui, c'est le petit dernier, c'est un peu. Je suis à la fois, donc je l'ai eu très tard. Parce que c'est pour ça, un remariage, je l'ai eu très tard. C'est un peu. Et mon fils et mon petit-fils, parce que je pourrais être son grand-père, vous comprenez. Il a 23 ans, j'en ai 78, 79 là, bientôt. Hein. Donc. Alors j'étais beaucoup plus cool avec lui. Mais alors par contre, il a un caractère pas possible. Déjà. La plupart du temps, vous essayez d'avoir une conversation avec lui, il fait ouais, on a vraiment l'impression qu'on l'emmerde. Et puis alors, la plupart du temps, quand il ne travaille pas, parce qu'il travaille, heureusement d'ailleurs, parce que il a quitté après son bac, il a dit papa, j'en ai marre, je vais prendre une année sabbatique. Une année sabbatique, je trouve ça un peu gonflé. Enfin, alors, j'ai dit écoute, tu prends une année sabbatique, d'accord. Moi, je te donne le gîte et le couvert. Mais par contre, si tu veux de l'argent de poche, il faut que tu travailles. Parce que moi, je ne donne pas l'argent de poche. L'année sabbatique, c'est un peu facile. Alors du coup, il travaille. D'ailleurs, il gagne assez bien sa vie. D'ailleurs, il gagne à peu près dans les 3000 euros par mois. Il travaille dans une brasserie. Alors bon, ça lui plaît. Il a des ambitions, il veut monter une brasserie. Enfin bon, c'est bien. Pourquoi pas, hein, il n'y a pas de son métier. Hein, d'accord. Okay. Mais alors, quand il ne travaille pas, il est à la maison, il est couché sur son lit. Et puis c'est pareil, il joue avec son smartphone. Il est inscrit au club dans le Beauvais. Hein. Alors, par moment, il y va presque tous les jours, puis après, il arrête pendant 3 mois. Ouais. Mais enfin, bon, à 23 ans, c'est pas très grave. Mais enfin, j'aimerais qu'il se remue un petit peu plus. Hein. Et aussi, on était, comme moi j'avais quand 18, 20 ans, on avait une vision de la vie très romantique, tandis que maintenant, c'est uniquement très matériel, oui, la vie, leur vision qu'ils ont de la vie. Hein. C'est gagner de l'argent, c'est avoir les derniers trucs à la mode, le dernier smartphone, le dernier ordinateur, tout ça. Je trouve ça un peu dommage. Non ? Serge Grin, ce que j'entends dire quelques personnes âgées que j'ai interrogées, les quelques personnes âgées que j'interroge, c'est qu'elles-mêmes n'auraient pas osé contredire leurs grands-parents, alors que cela se fait maintenant. Donc à partir de quand il y a une bascule ? Alors c'est vrai qu'il y a une bascule, mais il y a une bascule des deux. Il y a une bascule des grands-parents et des enfants et des petits-enfants. C'est-à-dire que ces personnes qui n'auraient pas osé contredire leurs grands-parents trouvent assez normal d'être contredites. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre des générations, justement. C'est qu'en fin de compte, il y a une sorte de réciprocité beaucoup plus forte. Par exemple, il y a seulement 40 ans, on écoutait les grands-parents, on écoutait les âgés, on apprenait des âgés, on ne leur disait rien. Aujourd'hui, on apprend un certain nombre de choses des gens plus âgés, mais il n'y a pas de problème pour les gens plus âgés d'apprendre aussi des choses de gens plus jeunes. Par exemple, les grands-parents ne vont pas du tout être choqués de demander à leur petite-fille ou leur petit-fils de leur expliquer telle ou telle technique sur Internet. C'est normal. Oh, les gamins d'aujourd'hui, ils comprennent tout. J'ai 70 ans, je me fais expliquer. Et c'est même amusant. C'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille qui m'a expliqué telle ou telle chose. Et j'ai même une certaine fierté que ma petite-fille m'ait appris cela, mais aussi d'avoir compris. Donc cette réciprocité-là, elle est beaucoup plus forte. Et la petite-fille qui a pu être valorisée d'avoir pu expliquer quelque chose à son grand-père ou à sa grand-mère, du coup, va aussi sur un autre sujet mieux écouter son grand-père et sa grand-mère, parce qu'elle dit, elle est capable de m'écouter sur ce sujet, mais sur ce sujet-là, évidemment qu'elle a quelque chose à m'apprendre de plus. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux aussi, c'est qu'il faudrait que les grands-parents en question soient beaucoup plus présents dans le processus de transmission, par exemple dans les écoles, pour apprendre aussi des choses aux plus jeunes, ce qui permettrait peut-être aussi de relativiser le sentiment d'injustice, le sentiment de déclin, le sentiment de difficulté des jeunes d'aujourd'hui qui parfois oublient qu'ils sont dans un confort que n'ont connu aucune des générations qui les ont précédés, qui sont dans des systèmes de revenus de pouvoir d'achat que n'ont connu aucune des générations qui les ont précédés. Parce que les moyens dont disposent les jeunes d'aujourd'hui sont incomparablement plus élevés en termes économiques, en termes de confort, en termes d'accès à l'information, en termes d'accès aux loisirs, en termes d'accès aux voyages, en termes d'accès à l'information, au termes d'accès au plaisir, que ne serait-ce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Il faut voir les choses comme elles sont. On ne peut pas... Jean Gabin, 1976. ...me proposer tellement de films avec mon âge. Parce que tu sais, moi, je ne fais pas d'illusions. Je suis pas un enfant de cœur. Si j'avais 20 ans de moins, je te dirais oui, je vais tout le monde. Mais maintenant, faut que ça soit des personnages de mon âge. Alors c'est très difficile pour faire un film d'avoir un personnage d'un bout à l'autre du film, tu comprends, quand on a mon âge. Alors c'est pour ça que je tourne beaucoup moins. Moi, je n'avais pas tourné depuis 2 ans, je n'avais pas tourné depuis Verdict. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Benoît Dutertre, dans Livre pour adultes, vous écrivez: les jeunes plaignent les vieux comme s'ils n'allaient pas vieillir eux-mêmes. Les vivants s'apitoient sur les morts comme si leurs conditions étaient différentes. Est-ce que, à force d'avoir vu des vieux, vous arrivez à vous imaginer qu'un jour vous serez vieux, malade et mort ? En tout cas, c'est vrai que c'est une chose qui m'a toujours beaucoup fasciné, quoi. Cette espèce de sentiment qui est à la fois de la générosité, de la compassion qu'on a quand on a des personnes âgées, fatiguées, qu'on... Je raconte dans cette scène, voilà, qu'on, des petits jeunes à la plage d'Etrota qui aident les vieux qui prennent leur dernier bain à se baigner. Il y a la supériorité de la jeunesse comme ça, et on se rend pas compte que finalement ça n'est rien d'autre que nous-mêmes dans quelques années, et qu'il n'y a pas donc. Mais c'est aussi une question de justice, c'est que ça m'agacerait de penser que tout d'un coup, quand on est vieux, on est dans une position au fond de faiblesse par rapport à ceux qui sont plus jeunes, parce que la vie est un tout, on est tous jeunes puis vieux, enfin sauf quand on disparaît encore dans sa jeunesse, mais voilà, donc il n'y a pas de cette supériorité de la jeunesse, ça m'agace, parce que je me dis au fond, quand je serai vieux, je veux pas avoir l'impression que je serai une victime, alors que ceux qui seront plus jeunes devant moi seront des gagnants et des conquérants, non, il y a juste un décalage entre nous, voilà. Et vous arrivez, lorsque vous êtes avec des vieux, à ne pas vous mettre dans cette position de force. Disons que j'ai une, depuis toujours, une grande curiosité pour ce que peuvent me raconter les personnes qui ont vécu des époques bien avant ma naissance, etc. Donc j'ai une espèce de fascination. De sympathie, d'empathie, qui je pense est plus forte pour moi que ce sentiment qui serait celui effectivement de la compassion justement. Moi, je me sens plutôt l'émerveillement de tous ces bouts de mémoire et d'histoire qui peuvent ressurgir. Donc peut-être ça m'évite un peu de ressentir cette chose qui m'angoisse de ce rapport de génération et de la supériorité provisoire de la jeunesse sur la vieillesse. C'est compliqué. Est-ce que ça peut vous faire peur, un vieillard ou quelqu'un, pas forcément très... Non, ce qui me terrorise, c'est, si vous voulez... Alors, en plus, bon, aussi à la radio, j'ai reçu énormément d'invités très âgés, de chanteuses d'opérette des années 30, de joueurs d'accordéon, d'avant-guerre, etc. Et je vous dis toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'admiration. Ce qui m'ennuie chez les personnes très âgées, c'est que malgré tout, c'est ça que je trouve terrible. Il y a un moment où ça bascule, où ça se dégrade, où c'est fini. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est plutôt que la supériorité de la jeunesse sur la vieillesse. Ce qui me fascine, c'est la supériorité de la personne qui arrive à un grand âge. Avec encore une vivacité, une vitalité merveilleuse. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, j'ai toujours cette angoisse de savoir que ça va basculer à un moment donné. J'ai connu ça, évidemment, chez toutes mes très vieilles ou chez tous mes très vieux amis, le moment où, malheureusement, ça s'effondre. Ça finit toujours mal, quoi. C'est ça que j'aime pas. J'aurais voulu être un chanteur. Charme. J'aurais voulu toucher le cœur des dames avec une voix à vous faire fendre l'âme. Avec une voix à vous faire fendre l'âme. J'aurais voulu que les foules se pâment. J'aurais voulu avoir des milliers de fans. Benoît Verdon, vous êtes psychologue, psychanalyste et vous êtes spécialiste des personnes âgées. L'idée que bien vieillir, c'est ne pas vieillir, vous pensez qu'elle est véhiculée depuis combien d'années ? Oh, depuis... Comment dire ? En fait, depuis fort longtemps. On sait très bien que depuis bien des siècles, l'idée de pouvoir empêcher le vieillissement de se réaliser... Les représentations des fontaines de jouvence qui nous permettraient de renaître, tout ce qui a pu être retrouvé par les anthropologues, les sociologues, les ethnologues, autour de petites potions, amulettes, pour pouvoir retrouver sa vigueur, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Vous voyez, on a toujours essayé de ralentir le vieillissement, et pourquoi pas ? Enfin, je sais combien c'est une question compliquée, parce que dès lors qu'on essaie de problématiser, de questionner l'évidence d'un bien vieillir, très vite on se fait taxer de « ah oui, mais avec vous, si on vous écoute, on va mal vieillir ». Évidemment que ce n'est pas un vœu que je formule, ni pour moi, ni pour quiconque. Mais par contre, l'idée que pour bien vieillir, il ne faudrait pas vieillir, et qu'il ne faudrait ne rien donner à voir de ce qui est problématique dans l'expérience du vieillissement, ça par contre, je trouve que c'est... une idéologie d'une violence terrible pour celles et ceux qui s'affrontent au quotidien, dans leur intimité, à la question du vieillissement. Vous voyez, cette conviction, voilà, qui peut être soutenue de façon tout à fait forte. Hein. On le voit, il y a un mouvement actuel qui n'est pas inintéressant d'ailleurs à écouter, hein, le transhumanisme. Cette conviction transhumaniste qui est que on pourrait ralentir le vieillissement, voire même éradiquer la possibilité de la mort, que nous pourrions vieillir extrêmement longtemps avec un ralentissement modifié. Je veux dire, pourquoi pas, bien sûr, hein, tant que la vie est belle à vivre et que nous vivons dans des conditions physiques, cognitives, psychiques et environnementales qui permettent l'épanouissement de tout un chacun. Bien sûr, pourquoi pas. Le risque après, c'est plus l'idéologie qui peut la sous-tendre, à savoir que les défauts, les manquements, le ralentissement, l'impuissance et donc tôt ou tard la mort, que c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas faire partie de la vie. Ça, je pense que c'est une catastrophe. Est-ce qu'avec vos amis, vous parlez de l'âge ? Avec les amis de moi, là, ben bien sûr. Oui, vous parlez de l'âge. Ouais. On parle de notre âge. À chaque fois, là. Moi, j'ai eu, au mois d'octobre, 78 ans. Maintenant, je suis sur mes 79 ans. Bon, on se suit comme ça. Par exemple, Francis, qui est mon copain, on parle lui aussi. Il est la même année, 38 comme moi. On parle de l'âge. Alors, mais on essaye de tourner ça un peu à la plaisanterie, parce qu'il faut quand même pas, vous savez, hein, tamalou, vous savez, les tamalous, ceux qui ont toujours mal quelque chose, on s'en sort pas. Alors bon, effectivement, les petits problèmes qui arrivent avec l'âge, par exemple, là, je me fais opérer de la prostate, pas de la prostate, de la cataracte. La cataracte, la semaine dernière, puis je retourne vendredi, d'ailleurs, vendredi, je me fais le deuxième œil. Bon, ben, c'est le truc qui arrive. Hein, maintenant, on se fragilise aussi, par exemple. Je suis tombé au mois de juin, je suis tombé sur le côté, là, avenue des Gobelins, j'ai loupé une marche, je suis tombé, je me suis pété un tendon. Bon ben, pendant, j'arrivais plus au Jura, alors pendant 6 mois, alors heureusement j'ai connu un kiné qui était très sympa, là, qui voulait Saint-Germain, j'y suis allé, et puis depuis maintenant je peux me servir, enfin, mieux de mon bras. Mais c'est surtout le bras droit, c'était emmerdant, parce que on est habitué à tout faire avec la main droite, et quand vous êtes obligé de le faire avec la main gauche, c'est une autre chose. André Fitoussi, vous venez vous installer à Paris, oui. Alors que vous êtes Toulousain, et c'est à la demande de vos filles. C'est à la demande de mes filles. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai bien compris que j'avais un avenir qui était derrière moi, et que, compte tenu de l'âge que j'ai actuellement, bon, l'espérance de vie devait être forcément limitée. Et donc, il était bon que je revienne ici sur Paris, abandonnant ma quiétude, ma qualité de vie, pour vivre encore les quelques années que j'ai à vivre avec elle. Est-ce que la retraite, André Fitoussi, ça a changé votre niveau de vie et vos habitudes matérielles ? Ça n'a pas fait baisser mon niveau de vie. Je croirais même qu'il y a une espèce de petite augmentation de mon niveau de vie par rapport à ce que je faisais auparavant. J'en ai le sentiment et l'impression très nette. Ça n'a pas diminué mon niveau de vie. Je crains fort ici qu'en arrivant sur Paris, il y ait quand même un niveau de vie diminué, je crois. Mais enfin, matériellement parlant, c'est pas ce qui m'effraie le plus, pas du tout. D'abord, je suis pas effrayé, je vais retrouver mes enfants et mes petits-enfants, et c'est ce qui m'importe le plus. Il y a des retraités qui font le chemin inverse, c'est-à-dire ils quittent Paris et voir la France pour partir dans un pays où la vie est moins chère. Et ils quittent tout. Oui. Et ils se disent qu'ils accèdent enfin au paradis, mais ils quittent aussi les attaches. C'est de la folie parce que je m'en suis rendu compte quand vous quittez vos amis, quand vous quittez vos relations, quand vous quittez votre famille, quand vous quittez vos habitudes pour dire je vais en province ou je vais rechercher autre chose, c'est pas vrai, on vous attend pas, personne ne vous attend, personne ne vous ouvre les bras, et je dirais même mieux encore, et j'ai une image qui est la suivante, vous arrivez à Toulouse, tout le monde a les bras ouverts, mais une seule chose, ils oublient de les refermer, et donc non, il faut jamais faire ça. Vous êtes dans un lieu, à moins d'amener vos amis, d'amener vos parents, ne quittez pas le lieu où vous avez habité. C'est très bien d'aller habiter au Maroc ou d'aller habiter au Portugal, etc. Mais un an, deux ans, trois ans après, qu'est-ce qui vous reste? Sinon, bon, la matérialité de la vie, mais tout le reste. On part de l'idée que les gens sont restés les mêmes et on les trouve vieux. Mais une fois que l'idée dont on part est qu'ils sont vieux, on les retrouve. On ne les trouve pas si mal. Pour Odette, ce n'était pas seulement cela. Son aspect, une fois qu'on savait son âge et qu'on s'attendait à une vieille femme, semblait un défi plus miraculeux aux lois de la chronologie que la conservation du radium à celle de la nature. Elle, si je ne la reconnus pas d'abord, ce fut non parce qu'elle avait, mais parce qu'elle n'avait pas changé. Me rendant compte depuis une heure de ce que le temps ajoutait de nouveau aux êtres et qu'il fallait soustraire pour les retrouver tels que je les avais connus, je faisais maintenant rapidement ce calcul et, ajoutant à l'ancienne Odette le chiffre d'années qui avait passé sur elle, le résultat que je trouvais fut une personne qui me sembla ne pas pouvoir être celle que j'avais sous les yeux, précisément parce que celle-là était pareille à celle d'autrefois. Marcel Proust, Le temps retrouvé. J'ai commencé à 16 ans, et puis bah, disons que je suis venu à Paris à l'âge de 18 ans. Et puis après, je me suis installé. J'ai travaillé en tant qu'ouvrier jusqu'à 27 ans. Puis après, je me suis installé à mon compte à 27 ans. Comme à mon compte, ouais, en oui. Travailleur indépendant. Et je suis resté pendant 20 ans à mon compte, jusqu'en 2008. Puis j'en ai eu un peu marre, physiquement c'était assez dur, quoi, parce que j'allais à Rungis. J'ai bifurqué, j'ai vendu mon commerce, puis je suis venu travailler ici. Puis ça fait déjà 9 ans. Voilà, ça passe. Puis bientôt, ça va être mon tour. Ouais. Le fait qu'on commence jeune, c'est vrai que c'est, on ne fait pas voir parce qu'on est. Vous avez quel âge ? Moi, je vais avoir 60 ans. Ouais. Je pense que la vie est relativement courte. Je préfère m'échapper et profiter un peu. Ouais. Ça veut dire quoi, vous échapper ? Bah, disons que aller à la campagne un peu, je veux dire, j'ai la chance de voir la campagne. Rester quand même côtoyer Paris, faire les deux, quoi. Alterner, quoi. Et profiter de la vie, quoi. C'est-à-dire ? Parce que, bah, disons que donner du temps au temps, se lever plus tard, faire du jardinage, voir des expos, il y a tellement de choses à faire. Et puis je crois que quand on est retraité, nous on s'en rend compte, c'est que les clients sont toujours pressés. Ils n'ont pas assez le temps de faire tout. Comme ils n'ont plus de discipline de se lever tôt, on perd le rythme. Et voilà, ça, je crois que j'échapperai pas. On va dans la salle de réunion. Le pot de Max. Un peu de discipline. Alors, bienvenue à tous. Comme vous le savez tous, on est là réunis aujourd'hui pour fêter le départ de Max. Et un beau départ, puisqu'il s'en va pour partir donc à la retraite. Donc, une retraite bien méritée. Il y a quelques années d'expérience quand même derrière tout ça. Donc, tu es rentré le 13 septembre 1999, 6 mai, 17 ans, et aux fruits et légumes. Ouais, donc, Nat nous en dira plus. Après, parce que je pense que vous connaissez bien. Soleil, tes mains de lumière font fuir les morceaux de nuit. Soleil, embrasse la terre. Moi, je pense vieillir. Je suis arrivé en France, j'avais 12 ans. Mes origines font que, voilà, mon Portugal, bien sûr, c'est mon pays d'origine. Et donc, c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Et j'aime mon pays. Mais bon, voilà, mais ma France, enfin, la France, c'est le pays qui m'a accueilli, qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Mon épouse est française, voilà, mes enfants sont mariés avec des Français. Donc, je pense que plus tard, si j'y arrive à la retraite, si j'y arrive, j'espère en tout cas, on fera sûrement voilà, moitié-moitié, enfin voilà, en fonction, après, le temps, ce sera secondaire pour nous, donc voilà, un coup on sera là-bas, un coup il serait, en tout cas, je l'espère, et j'espère arriver en bonne santé. Ouais. Il paraît qu'il y a des personnes âgées françaises qui partent au Portugal. Il y en a beaucoup. De plus en plus. Pour des raisons... Pour des raisons surtout économiques. Surtout économiques. Pour la qualité de vie, surtout, aussi. Les loyers, tout ce qui est loyer, reste quand même abordable par rapport à la France. Et moi, je connais quand même quelques-uns qui sont partis s'installer là-bas depuis une dizaine d'années. Des amis que j'ai connus là-bas, au Portugal, dans le sud. Et la raison principale, c'était juste, voilà, ils avaient des grosses retraites. Et avec leur petite retraite, entre guillemets, ils pouvaient vivre vraiment nettement, avec une qualité de vie nettement supérieure qu'en France, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire ça. Quoi. Ils restent entre Français ou ils arrivent à... Il y a des petites langues, effectivement. Il y a certaines régions, il y a quand même pas mal de petits Français qui se regroupent. Mais ce qu'il y a aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des points de rencontre. Ça prend de plus en plus tous les ans. Il y a des gens qui s'installent de plus en plus. L'avantage, c'est que c'est pas loin de Paris. Maintenant, avec tous les vols low cost que vous avez des prix d'avion, mais qui sont moins chers que Paris-Bordeaux ou Paris-Dijon, par exemple. Vous avez des prix des allers-retours pour 50 euros. Quoi. Donc, la vie est quand même moins chère. Ils ont pratiquement 350 jours de soleil par an. Les gens sont plutôt agréables aussi. Les Portugais sont plutôt accueillants. Tout est beau, quoi. C'est ça, la retraite. Ils ont bien raison de profiter de ces moments-là. Et puis, ce qu'il y a surtout aussi, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est que le gouvernement portugais a mis en place depuis quelques années. C'est-à-dire que l'étranger qui va s'installer là-bas et qui achète un bien là-bas, et les exonérer d'impôts pendant 10 ans. Soleil, soleil, soleil. Je dirais quoi, Max? Enfin la retraite. Enfin la retraite, quoi. Depuis tant que t'en parles, hein, enfin on y est. Non, je sais, plus sérieusement, juste pour te remercier, en tout cas tes collègues et moi-même, se joignent à moi, voilà, pour te féliciter cette belle carrière parmi nous, au sein de la grande épicerie. Et nous te souhaitons une bonne retraite, paisible et méritée. Voilà. Mais à mon tour, je dois vous remercier tous, parce que moi aussi, j'ai passé des bons moments. Il y a eu des mauvais moments physiques, avec mes doutes, mais ça, j'ai essayé de faire pour le mieux. Merci encore à vous tous. Et puis j'espère, je garderai un bon sourire de vous tous. Voilà. Mon petit Patrick, et puis voilà. Voilà. Merci. Ça, c'est... Merci. Oui. Tiens, la tienne. Ça fait quoi, Max? C'est un beau jour, hein? Un beau jour. Il fait beau en plus, voilà. Là, ça fait quelque chose. C'est vrai. On a le monde qui va manquer à moi. Ouais, c'est vrai, ça fait quelque chose. Avec qui je boirai le café le matin, avec Juan, c'est tout. Ouais. Ah, il y a midi, au fait. Ah ouais, on est quatre. Ça fait longtemps qu'on boit le café ensemble. Asus. Oh là, bravo. Il est chromé, il est super beau. Je prends une pour sa cuisine. Voilà. Oh, il est content. Voilà, classe. Oh, oui. Ah, il est sourd. On va vivre pour ça, pour dénicher le facteur et lui dire avant l'heure que vous n'avez rien pour moi. C'est vrai ce que tu dis là, notre vie c'est la leur. Ah ben non, j'attends que tu m'offres une coupe. Serre-moi fort sur ton cœur. Chin. On a vécu. Moi, je le dis toujours. Ça. Du moment qu'il y a le respect, le reste, il n'y a pas d'âge. Voilà. Moi, c'est le respect. Maxime, vous êtes à la retraite depuis le 28 février de cette année. Content de partir, mais quand même, ça fait quand même chaud au cœur quand même de laisser des collègues et l'ambiance qu'il y avait quand même. Puis quand même, ces années, ça ne s'oublie pas quand même, ça ne s'oublie pas vite. Et puis, mais quand même, d'être avec mon épouse qui, elle aussi, est déjà à la retraite, donc voilà, ça fait aussi du bien. Qu'est-ce que ça vous fait à l'un et à l'autre d'être toute la journée ensemble? Ensemble, ben, faut s'habituer déjà. Mais bon, ça, c'est bien au contraire. Hein, oui. On redécouvre la vie à deux et c'est, on reste pas toujours collé, on fait plein de choses. Marie-Louise Sidmé, vous êtes à la retraite depuis combien d'années? Ça va faire 2011 pour de vrai. Donc ça va faire 6 ans à la fin de l'année, mais j'étais déjà en retraite. Ma première retraite vraie, si vous voulez, c'était en 2006. Et puis je suis restée à la maison entre le mois de février et le mois de novembre. Et quand arrive le mois de novembre, il fait noir, Max travaillait, mon fils était encore en formation. Je connaissais personne dans le quartier parce que moi j'avais des horaires un petit peu larges. Voilà, après j'ai repiqué parce que j'ai retravaillé après comme infirmière. Par contre au départ j'étais cadre supérieur, mais là j'ai retravaillé comme infirmière à l'hôpital de Gonesse aux urgences. Et j'ai pas regretté du tout. J'ai fait 5 ans et c'était vraiment très bien. Est-ce que l'un et l'autre, vous imaginiez la façon dont vous prendriez de l'âge? J'ai 62 ans, mais je ne sais pas si j'ai 62 ans dans ma tête. Je crois qu'à part la fatigue, c'est vrai que je ressens quand même que, puisque j'ai des problèmes de dos, de genoux, mais dans ma tête, ça se passe bien. Ça se passe bien, je ne me vois pas, ou je ne me sens pas, j'ai pas les 62 ans. Voilà. Et puis j'ai une femme aussi qui me, il faut dire aussi, ici c'est pas, il faut pas, on ne dort pas, hein. Il faut y aller, c'est une boitonne d'ailleurs. C'est, voilà, on se comporte bien, voilà. Qu'est-ce qu'on perd quand on arrête de travailler? Les relations, voir les gens, voir l'autre, parler avec l'autre, discuter. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je n'ai pas autour de moi des gens à discuter, hein. Mais disons que se lever le matin, c'est quand même quelque chose, prendre le métro, voilà. Moi, je partais chaque matin, puisque à l'heure où je partais, il n'y a pas de bus. Donc, d'ici à la gare, chaque matin, je rencontrais des gens, même des gens que je connaissais pas. Il y avait des familiarités qui se créaient. Et puis, bon, ben, voilà, j'ai perdu un peu de cela. Mais bon, ben, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Et vous êtes engagés tous les deux dans la vie associative? Oui, moi, l'église de Villebelle, je m'occupe un peu de pas mal de choses. J'ai toujours quelque chose à faire, j'ai toujours quelque chose à faire. Soit on m'appelle pour quelque chose ou pour quelqu'un qui ne va pas bien, donc pour remonter le moral, pour... Mais j'ai toujours quelque chose à faire. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. C'était La retraite n'est pas une défaite. Réflexion faite, plus qu'en adepte, j'adopte. Nouvelle retraite, plus que parfaite. Avec Pierre, André Fitoussi, Gilbert Enosser, Serge Guérin, Raphaël Pau, Benoît Duteurt, Benoît Verdon, Max Sidmé et son épouse, et Nathalie No. Prise de son Laurent Macchietti, Arthur Gerbeau, Clémence Bonfils et Hélène Langlois. Mixage Cédric Châtelus et Claude Niort. Aujourd'hui nos fêtes plus que surfaites. Coordination Bérine Carvran et Marivonne Abolivier. Pris sur la fête, l'heure ainsi plate, m'alerte. Ça c'est facile, je flâne dans ma ville. Je ris, nous sommes en juin, mais... C'était La retraite n'est pas une défaite. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Je n'y suis pas de